Bon début de journée, bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Il est 16h sur Fun, bon réveil, merci de nous rejoindre. Comme tout est le meilleur, on fera un tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut mon Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. La région wallonne instaure des mesures pour récupérer plus rapidement les taxes non payées par le contribuable. Avec tout de même une bonne nouvelle pour les distraits, le premier appel ne sera pas payant. Jusqu'il y a peu, la procédure était la suivante. Vous receviez une invitation à payer votre taxe de circulation par exemple. Un mois plus tard, en cas de non-paiement, l'avertissement extra drôle vous était envoyé. Plus tard, c'est un huissier qui s'en mêle avec des frais supplémentaires estimés à une centaine d'euros. La région wallonne introduit désormais une étape supplémentaire, une lettre de rappel avant la venue de l'huissier sans aucun frais. Objectif de ce rappel sans frais, inciter le Wallon à payer ses dettes fiscales. Pour les taxes sur les véhicules, après l'envoi d'invitation à payer de l'avertissement extrait de rôle, ils sont environ 90% à être en règle. Les 10% en restant représentent 60 millions d'euros. Entré en vigueur en avril dernier, ce système de rappel commence à porter ses fruits. Il ne concerne pour l'instant que les taxes de mise en circulation, mais il est prévu qu'il soit bientôt appliqué à la redevance télévisée. Le ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui prendra les rênes du gouvernement britannique dès demain, est une eurosceptique dans l'âme qui va devoir négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle avait pourtant choisi en début d'année de rester fidèle au Premier ministre David Cameron et de défendre le maintien dans l'Union européenne. Mais elle a fait le service minimum, continuant aussi à prôner une limitation de l'immigration, thème favori du pro-Brexit. Et si on lui reproche son manque de charisme, on lui reconnaît également autorité et compétence. Elle peut aussi se montrer cassante et d'une détermination féroce, ce qui lui vaut d'être parfois surnommée comme la nouvelle Margaret Thatcher. Les ministres des Finances de la zone euro vont déclarer l'Espagne et la Portugal en dérapage budgétaire, ouvrant la voie à une procédure inédite de sanctions dans l'histoire de la monnaie unique. Selon les règles de procédure, chacun des deux pays se prononcera sur l'autre, mais pas sur lui-même. À partir du moment où les ministres de la zone euro, dans le cadre d'une réunion des grands argentiers de l'Union européenne prévue aujourd'hui dans la capitale belge, s'ouvre alors une période de 20 jours pendant laquelle la Commission va évaluer les sanctions possibles à l'encontre des deux pays. Selon une source européenne, les fonds concernés pour l'an prochain s'élèvent pour l'Espagne à 1,3 milliard d'euros et pour le Portugal à 500 millions d'euros. Un petit mot enfin pour vous dire que les Portugais ont été accueillis en véritable héros hier au pays. Ce succès à l'Euro 2016 regonfle évidemment le moral des Portugais. Il a plongé dans l'allégresse tout un pays passionné de ballons ronds qui peine à se remettre d'une économie à flot après des années de crise et d'austérité. Une marée humaine en rouge et vert, les couleurs nationales a acclamé les nouveaux champions d'Europe lors de leur parade triomphale à travers les principales artères de Lisbonne, à bord de deux bus à impérial décapotable barré du mot champion. 12 ans après l'immense déception provoquée par sa défaite en finale de son Euro 2004 perdu à Lisbonne face à la Grèce, le Portugal a enfin remporté son premier titre international majeur. Les supporters ont fêté ce triomphe bruyamment jusqu'à tard dans la nuit dans les rues de Lisbonne et à travers le pays. Fun. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans un instant, sur Fun Radio, j'ai pour vous un petit Rehab et Freak, c'est un de mes coups de cœur du moment, je le partage avec vous ce matin. Milo sera également de la partie côté son dance floor, mais juste avant, Jean-François, le soleil sera-t-il de la partie aujourd'hui, en ce mardi 12 juillet 2016? Bien, pour être clair, absolument pas, puisque la nébulosité va être souvent abondante. Ce matin, des averses vont même toucher l'ouest et le sud-est du pays. Carrément, avant de se généraliser sur l'ensemble du pays. Une température entre 17 et 20 degrés, puis demain, le ciel sera à nouveau changeant avec l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie qui va traverser le pays d'ouest en est. Les températures resteront bien inférieures au normal saisonnière. Imagine-toi que demain, nous aurons entre 14 et 15 degrés à peine en Ardennes et de 17 à 19 degrés ailleurs. Mais bonne nouvelle, le temps va redevenir plus calme et plus ensoleillé dès vendredi. Bah donc, heureusement qu'on a profité ce week-end, quoi. Il fallait bien faire. Merci, Jeff. Prochain rendez-vous à 6h30 et tout de suite sur Fun Radio. C'est Calvin Harris et Rihanna. Fun Radio. Fun. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia. Profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Summer fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Bon réveil, vous écoutez Summer Fun. Dans quelques secondes, c'est Milo qui arrive. Ça sent bon l'été, et c'est ce que je vous réserve juste après ceci. Salut Coralie, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très très bien, on est mardi 12 juillet 2016. La joie et la bonne humeur nous envahit pour vous réveiller, pour réveiller toute la Belgique et ça nous fait super plaisir d'être là. Tout à fait. Donc Coralie, qu'est-ce que tu as fait de beau hier, en ce premier jour de la semaine? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah écoute, je suis rentrée dormir, puis au soir, j'ai simplement mangé un durum. C'est vrai que faire un morning, parfois on peut se demander, oui, ça nous arrive d'aller dormir à midi. Parce qu'il faut rattraper le coup, c'est comme ça, c'est le plaisir. Eh bien écoute Coralie, c'est l'été, le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, c'est vrai. Mais on a plein de surprises pour vous, on va vous expliquer que faire comme activité pour bien passer votre mardi. On va également parler de l'horoscope, on parlera de la fidélité aujourd'hui. C'est un sujet qui nous touche de plus en plus en 2016, mais vous allez voir sous différentes formes. On va aborder ça dans quelques instants, juste avant, c'est l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et en ce mardi 12 juillet 2016, deuxième jour de la semaine, Coralie, que se passe-t-il? Eh ben nous sommes le 194e jour de l'année. C'est lundi, c'est mardi, il est 6h, c'est pas grave. C'est comme un lundi. Voilà, c'est ça. Nous sommes toujours dans la 28e semaine. Donc on va souhaiter une bonne fête au Olivier, Savin et au Menou. Au Menou? Oui, Menou. Menou, Minou. Bon, c'est. Voilà, ça fait penser à un chat peut-être, mais c'est un pronom breton quand même. Exactement, je pense. Au niveau des stars, que fait-on aujourd'hui? Eh bien, on peut souhaiter un joyeux anniversaire à Michel Rodriguez, à Bill Cosby et à Jules César. Jules César, il s'appelait Jules César. C'était un petit clin d'œil. La journée mondiale du jour, Coralie. Mais il n'y a pas de journée mondiale aujourd'hui, donc on peut en trouver une. Et si on l'inventait, ben c'est vrai. Pourquoi pas la journée mondiale du durum justement? Tu penses à ça à cette heure-ci? À 6h08 du matin, penses à un durum? Toujours. Oh, ça m'écœure de penser ça. Vous avez envie qu'on se fasse la journée mondiale du durum? Mais réagissez par SMS 3044. Dans quelques secondes, on aborde le sujet du jour. Et puis bien sûr, on se réveille ensemble jusqu'à 9h sans Fun Radio. Voici Milo. Bon réveil, montez le son. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. Radio. Fun Radio. This is a Jazzy Fizzle. Fizzle. Production. Shizzle. Oh, oh. Missy. Missy. The princess is here. Sierra. This beat is automatic supersonic. so melodic. This beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, step. Don't stop it. Everybody, get on the floor. Bring the party up. We about to get it on. Let me see you one, two, step. I love it when you one, two, step. Everybody, one, two, step. This beat is outrageous, so contagious, make you crave it. Jazzy made it so retarded, top charted. Ever since the day I started, strip my stuff and yes, I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself now. Let me do my one, two step. Come on, watch it, don't stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up. We about to get it on. Let me see you one, two step. I love it when you one, two, step. Everybody, one, two, step. We about to get it on. Flip it like this. Boys say hello cause they know I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Because I'm 5'2", I wanna dance with you and I'm sophisticated fun. I eat filet mignon and I'm nice and young. Best believe I'm number one. Tréfi, Naskib, c'est ce qui arrive côté Stone and Sword dans quelques secondes. Juste avant, je partage mon coup de cœur du moment, Rehab et Freak. C'est bon ça. 8h15, 6h15 plutôt, oulala. Ne précipitons pas les choses. On se réveille tout doucement ensemble, merci d'être sur Fun Radio. On va parler aujourd'hui de fidélité. Mais juste avant, Coralie, on a un cadeau exceptionnel pour vous toute la semaine. Et oui, Mediamart Rénov et Fun Radio vous offrent votre Samsung Galaxy View. Wow. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la plus grande tablette jamais conçue jusqu'à maintenant. Elle fait 18,4 pouces, c'est-à-dire à peu près 47 cm de diagonale. Tu imagines un peu ce que c'est. Moi, je me souviens que toi, à l'école, tu as toujours ta petite latte de 30 cm. Et bien, chez moi, j'en avais plus de 40 cm. Donc, tu avais ça d'une taille énorme. Donc, j'imagine là maintenant, je me dis 47 cm en main, ça vaut une télé. Oui, tout à fait. C'est la moitié d'un mètre quasi. Bah oui, c'est donc ça. Voilà. Complètement. Et donc, écran Full HD. Cette tablette peut servir de télévision aussi parce qu'il y a une application intégrée qui permet de regarder des chaînes de télé. Elle peut aussi servir de tablette normale pour toute la famille. Donc voilà, mais vous allez repartir avec ce cadeau. Vous pouvez envoyer dès maintenant Galaxy par SMS au 6322. C'est 1€ par message. On fera le tirage au sort vers 9h15. Décidément, il est 6h15, c'est difficile. Le tirage au sort sera donc tout à l'heure aux alentours de 9h15. Comment interagir avec l'émission Coralie? Parce que l'émission est interactive. C'est votre émission, vous réagissez, vous la faites et vous venez parler avec nous aujourd'hui à l'antenne. Et bien, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook Summer Fun ou encore par SMS au 3044. Puis jamais vous êtes intéressé pour voir les coulisses de l'émission, vous pouvez aller sur le Snapchat, c'est Fleurus Radio. Et puis si vous avez envie de venir faire de la radio également avec nous, c'est possible puisque vendredi on ouvre l'émission aux auditeurs et on vous offre le petit déj grâce à la baguette sympa de forêt. Vous vous inscrivez par mail à anto@funradio.be ou encore sur la page Facebook, on a plein de surprises pour vous tous les vendredis, donc on vous attend. Coralie, la fidélité, ça existe encore? Bah oui, bien sûr. Tu crois? Oui. Tu crois? Oui, j'y crois. Eh ben, c'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. La fidélité en 2016 existe-t-elle encore à tous les niveaux, hein, pas spécialement au niveau de l'amour? Parce que le sens est très large en fait de la fidélité. Ça, on ne parle pas que de l'amour. Ça peut être simplement la fidélité à votre boulanger pour ne pas aller à celui qui est un peu plus loin, aller à celui près de chez vous. Ça peut être vos amis aussi. Moi, j'ai des amis extra susceptibles. Donc, tu peux pas parler à quelqu'un d'autre, sinon c'est la guerre. Un peu comme toi. Hein. C'est aussi. Non. Non, non. Si. Je vois pas ce que toi. De quoi tu parles, Coralie? De quoi le tu parles? Susceptible, en fait. Allez, chut. De quoi tu parles? La fidélité touche tous les niveaux, on en parle aujourd'hui. Est-ce que ça existe encore? Est-ce encore aussi fort qu'il y a 10 ans? Ce sera le sujet du jour, réagissez par SMS 3044. On en parle jusqu'à 9h. Nesky Brown, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Juste avant, on se fait plaisir. Rehab et Freak, c'est ce qui arrive. Et puis vous avez envie d'écouter un titre en particulier et de le faire partager à toute la Belgique, et bien vous m'envoyez tout ça par SMS dès maintenant au 3044. Voici Rehab et Freak. Bon réveil, 6h17 sur Fun. And you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way. Cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening. Just like babe. I need a brother that can satisfy me. Just for me, if you are that kind of man. Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing. Cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. All through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Cause we can any time of day, it's so good. Ça, Nesky Brown, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes sur Fun. Côté son dance floor. Pum, pum, pum, pum. Juste avant, c'est l'horoscope du jour. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et Coralie, tu as consulté les astres pour nous et on commence avec les béliers. Vous avez les pieds sur terre et tout ce que vous entreprenez en ce moment sera bénéfique pour la suite. Les taureaux. Une journée pleine d'envie qui ne vous laissera aucun répit. Ah, ça c'est sûr. Les gémeaux. Vous allez vous retrouver au centre d'une sympathique animation organisée par vos proches. Si, le fête des voisins, une petite fête. Ouais, voilà, félicitations. Ça peut toujours être sympa, les cancers. Un manque de communication viendra semer la pagaille dans vos amours. La communication, c'est la clé d'un duo, les amis, pensez-y. Oui. Les lions. Vous n'êtes pas pour la paix des ménages actuellement, mais respectez au moins les autres. Très drôle, ça sent, je vais foutre la merde dans le couple des autres. Ouais, les vierges. Vos amours prennent du poids dans votre vie, faites attention. Les balances. Ne vous laissez pas contaminer par le gris de vos pensées. On continue avec les scorpions. Vous êtes du genre à réclamer le beurre et l'argent du beurre. Ah ça c'est vrai, c'est tout moi ça en fait. Les sagittaires. Le soleil associé à Jupiter et Uranus va provoquer l'étincelle qui mettra du peps dans votre vie. Les capricornes. Encore une belle journée remplie d'amour pour vous. Les Verseaux. Vous aimeriez que votre partenaire cède à vos caprices, mais ce n'est sans doute pas le moment. Je rigole parce que franchement, on pourra dire tout ce qu'on veut des horoscopes et ce genre de croyances, on va appeler ça des croyances. Il y a quand même un jour sur deux où le mien est exact, quoi, voir tous les jours. Quand je compare à celui d'aujourd'hui et celui d'hier, c'est encore des vrais trucs. Quoi. Et ouais. Ah là là, c'est trop drôle. Les poissons. Vous êtes dans le vif du sujet et on vous demande du concret. Et c'est certain, du concret, c'est ce qu'on va vous offrir jusqu'à 9h. Vous avez envie de réagir, vous reconnaissez dans cet horoscope. Eh bien, ça se passe par SMS 3044, le sujet du jour, la fidélité. Êtes-vous fidèle? Avez-vous déjà été infidèle? Vous êtes ouvert, vous avez envie d'en parler avec nous? Comment ça se passe dans un couple? Venez en réagir avec nous par SMS 3044, encore à l'antenne de Fun. On en parle jusqu'à 9h. Naskib, Amin, Run, c'est ce qui arrive tout de suite. Montez le son, bon réveil, 6h22. Ma, when you love me,

Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. It's your chitty, dun, dun, dun. Vous écoutez Summer Fun, vous êtes sur Fun Radio, bienvenue. Fun. 6h31 sur Fun Radio, bon réveil. On fait le tour de l'actu en ce mardi 12 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les contribuables belges ont mentionné 1580 sociétés offshore dans leur déclaration 2015. Un chiffre en augmentation. Sur base de ces chiffres quasiment définitifs, il ressort que le nombre de constructions juridiques localisées dans les paradis fiscaux est en augmentation. Il y en a eu 16% déclarés en plus en 2015 par rapport à 2014. Depuis 2014, les contribuables belges ont l'obligation de mentionner la détention de sociétés offshore dans leur déclaration fiscale. Pour gagner un peu de temps, certains contribuables mandatent même un comptable qui peut rentrer la déclaration jusqu'à fin octobre. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, qui prendra les rênes du gouvernement britannique dès demain, est une eurosceptique dans l'âme qui va devoir négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle avait pourtant choisi en début d'année de rester fidèle au Premier ministre David Cameron et de défendre le maintien dans l'Union européenne. Mais elle a fait le service minimum, continuant à prôner une limitation de l'immigration, thème favori des pro-Brexit. Et si on lui reproche son manque de charisme, on lui reconnaît également autorité et compétence. Elle peut aussi se montrer cassante et d'une détermination féroce, ce qui lui vaut d'être parfois surnommée la nouvelle Margaret Thatcher. Une fusillade éclatée hier dans un tribunal du Michigan dans le nord des États-Unis, faisant 2 morts, plus le tireur et 1 blessé. Les 2 victimes sont des huissiers de justice. Cette fusillade intervient dans un pays choqué par la mort jeudi de 5 policiers sous les balles d'un tireur embusqué à Dallas, dans le sud-est des États-Unis, lors d'une manifestation qui dénonçait les brutalités policières envers les Noirs. Dans le Michigan, un adjoint du shérif a également été blessé hier, ainsi que plusieurs civils. Un homme qui était transféré vers une prison s'est emparé de l'arme d'un policier et a commencé à tirer en milieu d'après-midi au tribunal de la petite ville de Saint-Joseph en bordure du lac Michigan. Les ministres des Finances de la zone euro vont déclarer l'Espagne et le Portugal en dérapage budgétaire, ouvrant la voie à une procédure inédite de sanctions dans l'histoire de la monnaie unique. Selon les règles de procédure, chacun des deux pays se prononcera sur l'autre, mais pas sur lui-même. À partir du moment où les ministres de la zone euro, dans le cadre d'une réunion des grands argentiers de l'Union européenne prévue aujourd'hui dans la capitale belge, s'ouvre alors une période de 20 jours pendant laquelle la Commission européenne évaluera les sanctions possibles à l'encontre des deux pays. Selon une source européenne, les fonds concernés pour l'an prochain s'élèvent pour l'Espagne à 1,3 milliard d'euros et pour le Portugal à 500 millions d'euros. Les Portugais, justement, ils ont été accueillis en véritable héros hier au pays. Ce succès à l'Euro 2016 regonfle bien évidemment le moral du Portugal. Il a plongé dans l'allégresse tout un pays passionné de ballon rond qui peine à se remettre d'une économie à flot après des années de crise et d'austérité. Une marée humaine en rouge et vert, les couleurs nationales, a acclamé les nouveaux champions d'Europe lors de leur parade triomphale à travers les principales artères de Lisbonne. 12 ans après l'immense déception provoquée par sa défaite en finale de son Euro 2004, perdue à Lisbonne face à la Grèce, le Portugal a enfin remporté son premier titre international majeur. Les supporters ont bien évidemment fêté ce triomphe bruyamment jusqu'à tard dans la nuit dans les rues de Lisbonne et à travers tout le pays. Fun, Fun Radio. Dans quelques secondes, côté son dance floor, j'ai pour vous Avicii, Waiting for Love, ainsi que Rochelle et All Night Long. Juste avant, Jean-François, côté météo, des mauvaises nouvelles malheureusement. Des mauvaises nouvelles aujourd'hui en tout, effectivement, puisque la nébulosité va être abondante. Ce matin, des averses toucheront principalement l'ouest et le sud-est du pays avant de se généraliser sur l'ensemble du pays. Les températures maximales varieront entre 17 et 20 degrés. Puis demain, le ciel sera à nouveau changeant avec l'arrivée d'une zone de pluie qui traversera le pays d'ouest en est. Donc pas de bonnes nouvelles, au moins pour les 48 prochaines heures. Mais on va oublier tout ça parce qu'avec Summer Fun sur Fun Radio, on va se motivé avec le meilleur du Sun Dance Floor. Merci beaucoup Jeff, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on se retrouve à 7h pour les prochaines infos. Tout de suite, le Sun Dance Floor dans Summer Fun avec Kungs. Fun. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son Dance Floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. c'est parti, on ouvre les yeux tout doucement ensemble. 6h38 sur Fun Radio. Je m'appelle Anto et on est ensemble jusqu'à 9h. Un peu plus de 9h même avec Coralie, on va déborder un petit peu. Oui, toujours. Dans un instant, c'est Rochelle et All Night Long qui arrivent. C'est le chiffre du jour sur Fun Radio. Juste avant, on vous parle du chiffre du jour qui a un rapport évidemment avec la fidélité, qui est aussi notre sujet du jour. Coralie, écoute bien ça, 77% des Belges le font. De quoi ça pourrait s'agir à ton avis? C'est le nombre de la, le nombre de pourcents de la population mondiale qui est infidèle. C'est le nombre de, c'est par rapport aux Belges. Ah, c'est uniquement par rapport aux Belges. Ah bah c'est le nombre de Belges infidèles. 77% des Belges infidèles. Ouais, ou fidèles. C'est quand même catastrophique. J'imagine 77%, ça fait. Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait presque 8 personnes sur 10. Ouais. Le mec n'arrive pas à calculer le matin, même tous les jours en fait. Donc ça veut dire, oui, 7 personnes sur 10 seraient infidèles. Ouais. Ce serait horrible quand même. Bon, alors l'inverse, c'est le nombre de Belges qui sont fidèles. J'espère. En tout cas, on va découvrir la réponse tout à l'heure. Si vous avez une idée, si vous avez envie de jouer avec nous, ça se passe par SMS 3044 sur la page Facebook. J'ai des petits indices, mais. Je lirai ça tout à l'heure, on va pas tout donner tout de suite. Oh, sinon, ce ne serait pas drôle. Dans un instant, on va faire un tour du côté de l'infotrafic et puis on va aussi revenir sur les réseaux sociaux. Mais avant, on a eu quelques petites réactions sur Facebook par rapport au sujet de la fidélité en 2016. Oui, Karine nous dit la fidélité n'existe plus du tout, demandez à mon ex. Bah, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais disons que c'est moins tabou qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait peur de tromper ou on le faisait moins que maintenant où ça devient plus ouvert et tranquille, on divorce, on arrête, on sépare, on va chez la voisine, qu'importe. Quoi. Ouais, et donc, c'est vrai que la mentalité a changé par rapport à ça. Une autre réaction peut-être par SMS. De Gaëtan, il nous dit « La vie sera toujours mieux quand on profite, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait être fidèle. » C'est sale d'un côté. Oui. C'est un mec qui le dit, hein, donc on ne peut pas vraiment ouais, juger. C'est ça, c'est le cerveau de mec, c'est pas. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Coralie? On ne comprend pas très bien. Non. vous êtes contre la fidélité, vous venez en parler avec nous ce matin. Non, bah non. Si. Regarde-moi. Je suis sage? Non. Franchement, quelle équipe. Allez, on continue dans un instant sur Fun à parler de la fidélité. Réagissez avec nous par SMS 3044. Dans un instant, c'est l'infotrafic. Que se passe-t-il sur nos routes? Ayez la Fun Solidarité. Vous voyez quelque chose? Vous voyez un accident ou un objet encombrant? Dites-le nous par SMS 3044. On passera tout ça à la Fun Family. On revient juste après ça. Bougez pas. Une assurance directe, c'est vraiment direct. J'ai eu un accrochage dans une bretelle d'autoroute. La première chose que j'ai faite, c'est les appeler. Donc j'ai appelé Corona Direct, où j'ai eu une charmante dame au téléphone. Ils ont été super sympas parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est de ne pas m'énerver. Et cette dame m'a dit directement, voilà, on va ouvrir un dossier. Et 5 minutes après l'accrochage, j'avais déjà un numéro de sinistre qui était déjà dans leur serveur chez eux. Eh bien, le direct de Corona Direct, ça veut dire pour moi, vous avez quelqu'un directement au bout du fil. Réponse directe et résultat direct. Corona Direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. Dis chérie, je me suis occupé des vacances. Enfin une bonne nouvelle. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un last minute. Non. Waouh. Et on part où? Bon, ça, je sais pas encore. Ah. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. Oh. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Offre soumise à condition. Fun. Sur la plage. Radio. Vous écoutez Fun Radio. I love Fun Radio. Love me like no one else get your heart. that thing that you want me to feel. Ensemble sur Fun Radio, 6h48, Dimitri Vegas, Like Mike du 100% belge, c'est ce qui arrive dans quelques secondes, avec leur titre Arcade. Yeah. Un problème sur la route, Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Juste avant 6h48, on fait un point sur vos conditions de circulation. Jeff, qu'y a-t-il à signaler en Belgique et en Wallonie? Non, à Bruxelles et en Wallonie plutôt. Un accident survenu sur la E42 dans le sens Mons vers Liège à hauteur de Boisdaine. Et puis il y a également un objet encombrant qui est signalé toujours sur la E42, toujours dans le sens Mons vers Liège, mais entre les sorties Spy et Sombreville. Partout ailleurs, les conditions de circulation sont relativement bonnes aux premières heures de cette matinée. Bah, c'est déjà ça pour ceux qui partent en vacances. Merci Jeff. Ayez la fun solidarité. Vous voyez quelque chose sur la route, vous êtes témoin d'un accident, dites-le nous par SMS 3044. On partagera ça à la Fun Family pour rester informé. On continue à parler du sujet du jour. Coralie, la fidélité est-elle encore présente en 2016? On a eu pas mal de réactions, donc c'est un sujet qui fait en tout cas parler, qui fait réagir. On lira tout ça jusqu'à 9h. Pour toi, embrasser c'est tromper? Oui. Oui. Oui. Mais est-ce que toi tu peux le faire? Moi, embrasser quelqu'un d'autre que mon copain, jamais de la vie. Non? Non. Parce que souvent ça peut être à contrario, on dit ah bah non, pas possible, mais bon, quand c'est moi, c'est autre chose. Bah non, non. Il y a certains cas où je pourrais le faire. Ça devient intéressant. Bah écoute, jamais j'embrasse une personne du même sexe, quoi, genre une pote, ça ne représente rien, il n'y a rien derrière, tu vois. Et nous on s'embrasse, ça revient au même. Quand on est en soirée, pareil, on fait une soirée alcool, ça, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Non, parce que non, jamais je l'embrasse en me disant bah putain, cette personne en fait elle me plaît. Mmh. Bah voilà, tu vois. Et toi Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Embrasser se tromper? Bah oui, je pense. Oui. Ouais. Donc tu n'as jamais trompé ta femme? Clairement, absolument pas. Et bah c'est très très bien, bravo Jean-François, merci. En tout cas, de cette réaction. Voilà, il faut qu'on rigole aussi ce sujet. En tout cas, est-ce que Snapchat n'a pas aidé à ça aussi, surtout chez les jeunes? Est-ce que tu en penses? Parce que quelqu'un nous a envoyé un message sur la page Facebook en disant Snapchat n'aide pas, c'est une saloperie. Bon, voilà, chacun sa vision d'utilisation de Snapchat. Mais c'est vrai que pour les couples, surtout pour les jeunes, c'est un petit défaut. Bah c'est vrai que ça aide un petit peu, ça pousse en fait. Ça va tellement vite à faire une petite photo sexy. Oui. Mais est-ce qu'une photo sexy c'est trompé? Voilà encore. Tout est dans la nuance, c'est la vérité. Bah ça dépend, si jamais c'est une photo sexy en bikini, non, si jamais c'est une photo sexy. Moi c'est quand on est sexy nude. Oui, si jamais tu es nu sur la photo, oui, c'est trompé. D'accord. Eh bien, continuez à réagir. Qu'en pensez-vous? Faites comme Nathalie qui nous a envoyé le message sur Facebook. Réagissez. Que pensez-vous de Snapchat et de ces nouvelles technologies, justement, et ces nouveaux réseaux sociaux qui nous permettent peut-être de nous évader plus facilement? On va appeler ça comme ça. Ouais. On en parle ensemble jusqu'à 9h dans quelques secondes. Et c'est Unique qui arrive, ainsi que Claudio Belge, Dimitri Vegas et Like Mike. On va également souhaiter votre anniversaire aujourd'hui à l'antenne. Comment ça se passe, Coralie? Mais si vous souhaitez qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire ou qu'on souhaite un joyeux anniversaire à un de vos proches, vous pouvez nous envoyer anniv ou anniversaire par SMS au 3044. On vous rappelle. Et on l'appellera ensuite en direct à l'antenne. Je rigole parce que j'ai vu dans tes yeux que tu dis Anif. Oh non, merde, c'est pas ça. C'est anniversaire. Merci d'être là, vous êtes sur Fun. Bon réveil. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I don't worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I'm put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work some more, oh, oh. We can work some more, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby. Work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work

move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only you can make me ayer, ayer, ayer, ayer. Fire, sur tous ces beaux parles. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille, même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je vois des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. On travaille avec le sourire et la bonne humeur. Summer Fun, c'est votre émission matinale qui vous accompagne jusqu'à 9h, voire plus sur Fun Radio. Et dans quelques secondes, c'est Jonas Blue qui arrive côté Stand and Floor. Fun Radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Avant ça, il est 7h sur Fun Radio. Bon réveil, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Une fusillade a éclaté hier dans un tribunal du Michigan, dans le nord des États-Unis, faisant 2 morts, plus le tireur et 1 blessé. Les 2 victimes sont des huissiers de justice. Cette fusillade intervient dans un pays choqué par la mort jeudi de 5 policiers sous les balles d'un tireur embusqué à Dallas, dans le sud des États-Unis, lors d'une manifestation qui dénonçait les brutalités policières envers les Noirs. Dans le Michigan, un adjoint du shérif a également été blessé hier, ainsi que plusieurs civils. Un homme qui était transféré vers une prison s'est emparé de l'arme d'un policier a commencé à tirer en milieu d'après-midi au tribunal de la petite ville de Saint-Joseph en bordure du lac Michigan. Un blogueur, un journaliste algérien résident à Londres a été condamné hier par le tribunal d'Alger à 2 ans de prison ferme pour offense au président de la République. Il a été condamné à 2 ans de prison et aussi à 200 000 dinars, soit 1632 euros d'amende, mais il va faire appel. Le blogueur anime une page Facebook sur laquelle il a publié des contenus mettant en cause le président algérien, les responsables du pays ou des membres de leur famille. Ces publications ont ensuite été diffusées sur le site internet qu'il dirige. Il avait été arrêté le 27 juin et accusé d'offense au président de la République. Chez nous, la région wallonne instaure des mesures pour récupérer plus rapidement les taxes non payées par le contribuable, avec tout de même une bonne nouvelle pour les distraits: le premier appel ne sera pas payant. La région wallonne envoie désormais une lettre de rappel avant la venue de l'huissier sans aucun frais. Objectif de ce rappel: inciter le wallon à payer ses dettes fiscales pour les taxes sur les véhicules après l'envoi de l'invitation à payer, de l'avertissement extrait de rôle. Ils sont 90% à être en règle, les 10% restants représentent 60 millions d'euros. Entré en vigueur en avril dernier, ce système de rappel commence à porter ses fruits. Il ne concerne pour l'instant que les taxes de mise en circulation, mais il est prévu qu'il soit bientôt appliqué à la redevance télévisée. Les Portugais ont été accueillis en véritable héros hier au pays. Ce succès à l'Euro 2016 regonfle le moral des Portugais. Il a plongé dans l'allégresse tout un pays passionné de ballon rond qui peine à remettre son économie à flot après des années de crise et d'austérité. Une marée humaine en rouge et vert, les couleurs nationales ont acclamé les nouveaux champions d'Europe lors de leur parade triomphale à travers les principales artères de Lisbonne. 12 ans après l'immense déception provoquée par la défaite en finale de son Euro en 2004 perdue à Lisbonne face à la Grèce, le Portugal a donc enfin remporté le premier titre international majeur de son histoire. Les supporters ont fêté ce triomphe bruyamment jusqu'à tard dans la nuit dans les rues de Lisbonne et à travers le pays. On termine ces infos en vous parlant d'une coutume dans un village russe de Krylovos. Il y a des endroits où on lance le poids et le marteau, une compétition de lancer de bouses de vache qui est organisée chaque année. Un concours qui rencontre un succès croissant au fil des années, qui a accueilli plus de 100 participants lors de cette édition 2016. À croire qu'il y avait des personnes qui n'avaient rien d'autre à faire. Si vous voulez tester la discipline et estimer votre niveau, eh bien sachez que le record a été établi à 46,50 m cette année. Donc Anto, je te lance le défi. Eh bien, un petit lancer de bouses de vache cet après-midi et 46,50 m à battre. Eh bien écoute, on va organiser ça sur le parking. Ça peut être très drôle. Pourquoi lancer de la bouse de vache? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand les gens ont eu cette idée, en fait. Coralie est sidérée par ça. Pourquoi pas? On aurait pu lancer des omelettes. Ça change rien. Mais comment les gens peuvent penser un petit peu? Comment une personne peut se lever le matin et se dire ah bah aujourd'hui je vais lancer de la bouse de vache? Ce qui est le plus surprenant, c'est les 46 mètres, je pense. Il a fallu quand même atteindre 46 mètres en lançant de la bouse de vache. Ce qui est quand même surprenant aussi, c'est qu'il y a quand même eu plus de 100 participants pour la première édition du concours. Donc c'est pas un mec qui s'est levé en disant je vais lancer une bouse de vache. Oh, c'est quand même une centaine. C'est des gens qui aiment ça, quoi, voilà, c'est naturel. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen.

Juste avant, on parle de Fabien Feyèche. On l'a entendu toute l'année, Fabien Feyèche, hein, Coralie. Franchement, il cartonne. J'adore ce gars. Rien qu'à l'écouter, je pleure de rire. Et bien aujourd'hui, on va encore écouter ses meilleurs moments. Comme tout l'été, on vous propose de revenir sur ses meilleurs canulars. Alors, en gros, c'est un gars qui prend son téléphone et qui appelle des inconnus pour ben, se foutre d'eux avec humour. Un petit peu. C'est toujours un peu drôle. Aujourd'hui, on part à la ferme. Fabien Feyèche. Allô. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feyèche. J'ai juste une question. Là, je vais venir vous voir, mais vous êtes où exactement là? Mais à la ferme. Mais vous arrêtez de me dire à la ferme? C'est incroyable de me parler comme ça, je suis un client monsieur. Mais je vous dis pas de la fermer là, mais c'est pas vrai, t'es con comme un cochon toi. Bah, bon, ça va, moi j'appelle pas pour vous faire insulter, hein. Si c'est comme ça, moi je me tais. Ouais, c'est ça, hein. Allez, la ferme. Ah bah vous voyez, vous me dites encore de la fermer. T'es con comme un cochon, Coralie. C'est quand même pas mal celui-là. Fabien Feyèche qu'on va retrouver tout à l'heure aux alentours de 7h40. Et puis on vous rappelle qu'on va fêter votre anniversaire aujourd'hui. Comment on fait pour vous inscrire? Oui, mais c'est votre anniversaire ou celui de l'un de vos proches, tout simplement. Vous pouvez envoyer anniversaire, on vous rappellera et on pourra lui souhaiter ou vous souhaiter un joyeux anniversaire à l'antenne. Effectivement, ça peut être un beau cadeau d'anniversaire en tout cas. C'est ce qu'on fait tout à l'heure. Les stars aiment se dénuder sur les réseaux sociaux, c'est pas un secret. Et c'est d'ailleurs un excellent coup de com' pour eux, c'est pour ça qu'ils le font. Et bien ce week-end, c'était encore le cas et ce sera le Club Buzz Sexy du jour. On vous en parle dans quelques instants. Juste avant, c'est Ariana Grande que je vous cale dans quelques secondes avec Into You. C'est un nouveau titre, franchement, il cartonne aussi. Ouais, j'adore. Ariana Grande, dès qu'elle sort un truc, ça devient une tuerie. Et bien on va s'écouter d'ici quelques petites secondes. Juste avant, c'est le DJ londonien Sigala qui arrive avec Easy Love. Montez le son, 7h10. Vous êtes sur Fun Radio et vous écoutez Summer Fun. Welcome. So name my game to play and rappelle notre chiffre du jour, 77% des Belges le font. Mais alors, à quoi ça correspond? Un indice, ça parle évidemment de fidélité. On lit vos réactions dans quelques instants au 30-44. Côté son dance floor, c'est Enrique Iglesias, c'est Duele El Corazon qui arrive. Chérie, ils viennent jouer quand déjà les Stones? Les Stones après-demain, je crois. Oula, faudrait qu'on fasse un peu de place dans le salon quand même, non? Bon... C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce mardi, jackpot de près de 30 millions d'euros. Jouez à Euromillions dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Un titre qui sent bon l'été, qui nous emmène directement en Espagne juste avant. C'est Ritza, je m'en fous, qui arrive dans la suite. Je m'en fous. Info, scoop, people, média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et c'est un Club Buzz hot aujourd'hui car Kim Kardashian est de retour sur Instagram, Coralie. Et oui, Kim Kardashian a accouché en décembre dernier d'un petit garçon. Et bon, du coup, elle veut retrouver sa silhouette d'avant. Logique. Et ouais, donc pour le moment, elle a... J'ai bugué, c'est le matin, c'est pas grave. Donc voilà, elle a atteint en fait, donc la star de télé-réalité de 35 ans en a profité pour nous offrir un petit aperçu de sa silhouette. Et elle a retrouvé, en postant sur Instagram une photo d'elle en maillot de bain. Et donc c'est juste pour ça, Kim qui est super sexy, c'est pas un secret en plus. Oh hein. Oui. Non, elle a également précisé qu'elle suivait un régime minceur particulier composé de plats aux fruits et aux légumes. Et elle a posté tout ça sur toutes les photos aussi les réseaux. C'est comme Gilles nous a dit hier dans sa chronique Fun Sport, manger des fruits et des légumes, ça peut permettre de rester en forme durant l'été. Oui, et évidemment une sœur fait ça, une autre sœur doit suivre. C'est d'office. Donc Kylie a exactement fait la même chose sur son compte Snapchat où elle a posté une photo d'elle qui était très sexy. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année,

feeling. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Sur Fun Radio, bon réveil. Dans quelques secondes, c'est Chris Cabello, Youssoupha qui arrive avec Badabing. Juste avant, on revient avec notre ami Fabien Feyesh. On l'adore, Coralino ici. Ah oui, on le va partir à la ferme avec lui. Alors franchement, si vous ne connaissez pas encore Fabien Feyesh, l'idée, c'est que il fait des petits questionnaires téléphoniques, toujours très sympathiques évidemment. Il téléphone à des inconnus jusqu'au moment où il craque. Et franchement, c'est pour notre plus grand plaisir. Oh, oui. Aujourd'hui, direction la ferme. Fabien Feyesh. Allô. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feyesh. Excusez-moi de vous déranger. J'appelle donc par rapport à l'annonce. L'annonce de quoi? L'annonce pour les œufs. Il paraît qu'on peut venir chez vous chercher les œufs. Ah oui, à la ferme, ouais. Ouais. C'est pas la peine de parler sur ce ton, hein. Moi, c'est juste pour chercher les œufs. Quel ton? Bah, vous me dites la ferme. À la ferme. Oui, bah, c'est, oui. Bah, ça va. Je me tais dans ce cas-là si je dérange. Non, la ferme, Oui, bah, je me tais. La bâtisse. Moi, j'appelle gentiment. Vous me dites la ferme. Je dis pas la ferme. Oui, je dis que tu peux venir chercher des œufs. Alors, si tu veux des œufs, tu viens en chercher. Oui, mais où? À la ferme. Oh. Moi, si c'est comme ça, moi, je me tais. Hein. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais tu peux parler. La ferme. Je dis la maison, la ferme. Bon, moi, je me tais. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Je comprends rien. Je suis con comme un meuble. Hein. Allô? Oui, monsieur, c'est encore moi, c'est Fabien Feyèche là. Bah, bonne année déjà. Hein. Oui, bon, bah, bonne année. Bah, vous voulez des œufs, vous passez. Mais c'est simple. Hein. J'étais motivé pour passer, mais vous me dites de me taire. Je vous dis pas, mais il commence à me. Si? Non, rafraîchis dans mes bottes, hein. Vous m'avez dit. Rafraîchis dans mes bottes. Mais non, mais. Moi, j'ai pas que ça à faire. Bah... Alors, tu me dis, tu passes. Mais, ou tu mais passes je passe pas... où? À la ferme. Bah, oh, bah oui, bah, la ferme, moi, je me tais, et puis comme ça, on en parle plus. Mais hein. J'ai pas dit ta gueule, j'ai pas dit la ferme, j'ai dit la ferme, la maison. Bah. Pas possible. Mais non, mais je parle, vous me dites la ferme. Je dis pas la ferme, ta gueule. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais, moi? Je ferme ma gueule. Ouais, rappelez-moi quand vous êtes moins con. Allô? Oui, bonne année. Non, quoi encore? Quoi encore? Bah, je dis bonne année, c'est Fabien Feyèche au téléphone, on sait au téléphone. Oui, bah, quoi? Ça suffit maintenant? Oui, je sais. Mais parce que bon, on est parti du mauvais pied. J'ai juste une question. Là, je vais venir vous voir, mais vous êtes où exactement, là? Mais à la ferme! Mais vous arrêtez de me dire la ferme? C'est incroyable de me parler comme ça, je suis un client, monsieur! Mais je vous dis pas de la fermer, là, mais c'est pas vrai, t'es con comme un cochon, bah, toi, hein? Oh, bah, ça, c'est pas gentil, hein? Bah, attends, je passe ma journée avec les cochons, bah, je peux te dire que je suis moins con que toi. Bon, et ça va, moi, j'appelle pas pour me faire insulter, hein. Si c'est comme ça, moi, je me tais. Ouais, c'est ça, hein. Allez, la ferme. Ah, bah, vous voyez, vous me dites encore de la fermer? Trop de cul! Fabien Feyèche! Non, rafraîchis dans mes bottes, hein! Vous m'avez dit! Rafraîchis dans mes bottes! Mais non! Pour rien, je suis con comme un meuble, hein. Un meuble, c'est con, Coralie? Un petit peu. C'était le Fabien Feyèche du jour. On vous offre toute cette semaine une tablette Galaxy View exceptionnelle. Oui, tout à fait. On vous offre la plus grande tablette avec MediaMarkt Rénov. Donc, c'est une tablette qui fait 18,4 pouces. Et en centimètres ? 47 cm de diagonale. 47 cm de diamètre, vous imaginez ? Non, pas de diamètre, de diagonale. De diagonale, pardon. De diamètre, ouais, elle... ça ferait. Oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça ferait beaucoup. Ça fera un cercle déjà. Voilà, c'est non, ça. C'est une superbe tablette écran Full HD qui vous permettra de regarder la télévision car il y a une application dedans qui est comprise avec l'achat de la tablette pour regarder la télé. Et en plus, c'est quand même un cadeau à plus de 600 euros. Donc, jamais vous souhaitez repartir avec cette tablette, envoyez dès maintenant Galaxy par SMS au 6322. Et on appelle l'une d'entre vous tout à l'heure à 9h15. Alors, dépêchez-vous. On vous attend dans quelques secondes. Chris Kabeyoussoufaï, on va également souhaiter votre anniversaire. Alors, pour vous inscrire, vous envoyez anniversaire par SMS au 3044. À tout de suite. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais il n'y a même pas l'air con, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Alors, les festivals... Ah, suite, il faut encore que je me trouve une tente. Le genre qu'on jette en l'air? Ouais, non, mais ça, quand on l'a picolé, on n'arrive plus à la replier. Une bonne tente old school? Non, ça, même sobre, j'arrive pas à la monter. Hey, si je piotais dans la tente de Sarah? Ou dans celle de Julie? Julie. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça c'est sûr. Fun Radio. Passez votre été avec Fun Radio. Le son Dance Floor. International et la connexion. Chris Kam. Youssoufa est dans la maison. Deva. Vive la big non. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I just don't remember. I woke up in a stranger's home. I had some other agenda. After six shots of De Leon, more like 13 more. You know that girl really turned me on. Splishing and splashing up.

mots derrière un écran, c'est ça le progrès. De simples mots peuvent changer le cours de ton histoire. Un discours bien manipulé pour plus de pouvoir. Il court, il court, il court. Le bruit de la haine et le bruit de l'amour. La force des mots ravage tout sur son passage et met nos faiblesses en otage. C'est la puissance de tes mots. C'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Axwell & Grosso, Thinking About You, c'est ce qui arrive dans quelques secondes. Le 5 secondes chrono sur Fun Radio. Juste avant, on joue au 5 secondes chrono avec un auditeur qui est avec nous par téléphone, il s'appelle Caïs. Oui, c'est ça. Salut Caïs. Salut. Comment ça va? Bien, je vous. Ah bah écoute, très très bien, merci de te réveiller avec nous. Est-ce que tu es au taquet ce matin pour peut-être repartir avec tes places de ciné? Ouais, je vais essayer. Eh bien écoute, tu vas affronter Coralie. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On commence avec toi. 5 secondes pour me trouver 3 prénoms féminins commençant par la lettre M, Caïs. Par quelle lettre? M. M, Marie, Marise et Monique. On va accepter parce qu'il n'avait pas compris la lettre. Voilà. Donc sur une bonne réponse, un premier point pour toi. Coralie, attention, on reste dans le même chapitre. Cite-moi 3 prénoms masculins commençant par la lettre T. Top chrono. Tristan, Thierry et Timothée. Bon, c'est trop facile, on va corser un petit peu. Caïs, cite-moi 3 sortes de maquillage, top chrono. Rouge à lèvres, fond de teint et malheureusement, on ne peut pas l'accepter cette fois-ci, ça avait fait gang. Ça fait 1-1 pour l'instant. Coralie, attention, c'est à toi. Cite-moi 3 choses, produits que l'on trouve sur une carte de friterie, top chrono. Facile. Une frite. Ça, tu dois savoir. Une fricadelle et un durum. Trop tard, ça a sonné, mais le durum, mais oui, on en a parlé ce matin à 6h07. À 6h07, elle disait déjà, ouais, j'ai envie d'un durum là. Allez, attention, Caïs, dernière chance pour toi de marquer un point. Cite-moi 3 sortes de vêtements, top chrono, facile. Un t-shirt, un short et un pull. Ça fait 2, attention Coralie. Dernière chance pour toi de peut-être marquer et égaliser. Le suspense est à son comble. Cite-moi 3 sortes de vêtements que l'on porte uniquement en hiver. Top chrono. Un bonnet, une écharpe et des gants. Oui, ça va. Ça fait 2-2. Mais c'est pas grave, on va quand même t'offrir les places, Caïs. Félicitations, bravo. Ouais, merci les gars. Merci à toi de nous écouter ce matin. On te fait des gros bisous. Je te repasse du côté de Coralie au standard, reste bien en antenne. Vous avez envie de vous inscrire, vous avez envie de jouer avec nous, ça se passe par SMS 3044. Dans quelques secondes, c'est Axwell et Incruzo qui arrivent. On fera les infos de 8h, un peu en retard comme chaque jour, mais c'est pas très grave. Juste avant, c'était Cruz sur Fun. Arrive looking like a supermodel. Your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I am my dinner, she can be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, If I bring out my camera, will you be in my future? Cause we gon' do some things, hope your daddy ain't a preacher. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I am my dinner, she can be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again. Total lots of bliss, total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Total lots of bliss. Like a kid again, total lots of bliss. Merci de démarrer votre journée sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est Souf et Mi Amor qui arrive. Mi Amor, por favor, Mi Amor. Qu'est-ce qu'on aime ça sur Fun? Juste avant, il est 8h. Fun Radio. Fun. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Fun. Il est 8h04 sur Fun Radio. Debout tout le monde. On démarre la journée ensemble et on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut mon Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. La reine Mathilde est à New York dans le cadre d'une visite de travail aux Nations Unies, accompagnée du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Elle a insisté sur l'importance de la réintégration des enfants touchés par les conflits armés. La reine est présidente d'honneur de l'UNICEF pour les droits de l'enfant, une problématique qui lui tient à cœur. Lors de son intervention, elle a fait référence à un rapport de l'UNICEF justement qui démontre que près de 250 millions d'enfants résident actuellement dans des zones en proie à des conflits armés. Elle a affirmé avoir observé ces 15 dernières années des progrès considérables pour assurer leur protection et attirer l'attention sur la mutation des menaces pour les mineurs, pointant la montée de l'extrémisme violent ces dernières années. La souveraine participera aujourd'hui à un débat sur les droits de l'homme dans le cadre de l'agenda du développement 2030. Une majorité d'Européens estime que l'afflux de réfugiés sur le continent augmente le risque d'attentats. Une forte proportion s'inquiète des conséquences pour leur emploi. Dans 8 des 10 pays examinés, représentant 80% de la population européenne, au moins la moitié de l'opinion juge que l'arrivée des demandeurs d'asile accroît le risque terroriste. Plus d'un million ont été enregistrés en Europe en 2015, fuyant notamment la guerre en Syrie. La proportion atteint un record, 76% en Hongrie, en Pologne 71%, pays qui ont proportionnellement accueilli peu de migrants et dont les gouvernements ont adapté des politiques très fermes à l'égard des réfugiés. Les Allemands, qui ont accueilli le plus important nombre de migrants, sont 61% à partager cette inquiétude. Les Italiens, 60% et les Britanniques, 52%. Paradoxalement, en ce pays durement frappé par les attentats en 2015, une majorité ne partage pas cette opinion, 46% jugeant que le risque est accru. L'inquiétude des Européens s'étend aussi à la situation économique, qu'une proportion importante voit dans l'arrivée des réfugiés un véritable fardeau. Les Portugais ont été accueillis en véritable héros hier au pays. Ce succès de l'Euro 2016 de football regonfle le moral des Portugais. Il a plongé dans l'allégresse tout un pays passionné de ballon rond qui peine à se remettre de son économie à flot après des années de crise et d'austérité. Une marée humaine en rouge et vert, les couleurs nationales, a acclamé les nouveaux champions d'Europe lors d'une parade triomphale à travers les principales artères de Lisbonne. 12 ans après l'immense déception provoquée par sa défaite en finale de son Euro 2004 perdu à Lisbonne face à la Grèce, le Portugal a donc enfin remporté son premier titre international majeur. Les supporters ont fêté ce triomphe bruyamment jusque tard dans la nuit, dans les rues de Lisbonne et à travers tout le pays. Fun. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Clean Bandit, Luisanne Johnson, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes côté son dance floor. Juste avant, Jeff, qu'est-ce que tu nous prévois côté météo pour cette belle journée de mardi? Eh bien, nous annonce des averses qui vont toucher principalement l'ouest et le sud-est du pays avant de se généraliser à l'ensemble du pays cet après-midi. Les températures maximales varieront entre 17 et 20 degrés, puis demain le ciel sera à nouveau changeant avec l'arrivée d'une zone de pluie qui traversera le pays d'ouest en est. Il faudra attendre vendredi pour un retour à un temps plus calme et plus ensoleillé. C'est pas une si belle journée que ça, en fait, c'est mitigé plutôt. C'est plutôt mitigé, effectivement. Mais on va quand même sortir les shorts, c'est l'été, on fait plaisir. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous de l'info à 8h30 et tout de suite, c'est Souffle sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floyd. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu sais je ne suis qu'un homme. Des erreurs j'en referai, te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais. Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. J'en deviens somnambule. Mais je t'avais pris pour acquise. Tu m'as tourné le dos. Tu avais cru soumise. Tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis. Tu me fuis. C'est la vie. J'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Quelques minutes, nous allons souhaiter votre anniversaire, l'anniversaire d'un proche à l'antenne. Alors vous avez envie de vous inscrire pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. Ça se passe par SMS 3044 en envoyant anniversaire. Clean Bandit, c'est la suite du programme. Le temps de vous rappeler également le chiffre du jour, Coralie. 77% des Belges le font plutôt. Alors à quoi ça peut correspondre? Toi tu nous parlais tout à l'heure de... De tromper justement. De tromper. D'être. Donc 77% infidèle. Des personnes seraient infidèles. Ce serait beaucoup. Ou fidèles, j'ai dit aussi, un de deux. Bon, là ou l'autre, c'est pas très bien. Des réactions par SMS. Oui, Céline nous dit le nombre de Belges qui embrassent quelqu'un d'autre que leur copain, copine. Ça peut être vrai. Oui. Mais ça dépend des paramètres. Oui. À voir. Une autre réaction. Oui. Il y a un message qui est arrivé entre nous dit je suis sûre que tous les mecs embrassent d'autres meufs en soirée, ils sont tous infidèles de toute façon. Bah non, pas de commentaires, hein, passons au suivant. Et le suivant c'est ceux qui n'aiment pas changer leur habitude, genre moi ça fait 5 ans que mes parents vont dans la même boulangerie. Ça c'est vrai. Franchement, ouais. Moi je suis quelqu'un d'habitude, hein, c'est-à-dire moi, que ça me dérange pas. À chaque fois que je viens ici à la radio, je prends le même tram, je passe par le même couloir, je m'assieds dans le même compartiment du tram, je passe par la même rue. Donc je peux comprendre que les ça peut pas être fou, non, c'est juste que des gens aiment bien avoir des bonnes habitudes et ou être fou. Non, mais non, faut prendre ça avec je vois pas ce que tu dis, faut pas prendre ça comme ça. Je vous donne un indice. On donnera la réponse tout à l'heure comme ça laisse encore un peu le temps de teaser. 77% des Belges le font et c'est apparu dans les années 1960. Comme ah ça, bon vous savez, donc c'est pas tout jeune, mais c'est quelque chose de récurrent. Et franchement, quand vous allez savoir, vous allez dire bah oui, c'est vrai, on en a en moyenne 7 sur soi. Ah bon, voilà, c'est un autre indice. 77% des Belges l'ont, mais nous peut-être pas parce qu'on est jeunes, mais en général, les gens d'âge moyen, voilà, c'est ça. Tu l'as sorti face à moi, donc tu as trouvé. Quoi, une carte de banque? Non, c'est pas ça. Mais on s'y rapproche. Voilà, tous les indices, vous les avez. On va pouvoir jouer ensemble jusque 9h. 77% des Belges l'ont en rapport avec le sujet du jour, la fidélité. Vous réagissez par SMS 3044. Clean Bandit, Luisa Johnson. C'est ce qui arrive dans la suite. Bon réveil, 8h12. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean, as they floated in the breeze. They were falling in slow motion, and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you want to put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. Quelques instants, le responsable communication de l'exposition Harry Potter, Emmanuel de Roubaix, sera notre invité pour parler justement de cette exposition qui buzz pour le moment. Ce sera l'idée de sortie du jour. Et côté son dancefloor, c'est Boostier Feel Alone qui arrive. J'adore ce titre, on se fait plaisir, je vous le partage dans quelques secondes. Bon début de réveil sur Fun, à tout de suite. Si les murs pouvaient parler, est-ce qu'ils pourraient aussi raquer-spotter, maman? Pourquoi tu demandes ça? Parce que la semaine passée, j'ai dessiné une baleine sur le mur. Mais j'ai rien vu. Non, parce que papa a fait partir la baleine avec de l'eau. Ah, c'est comme ça. Et il a dit que le mur pouvait bien supporter ça. Oui, ça c'est vrai. Vos murs sont soumis à rude épreuve, peignez-les avec Lévis Expert. Bien plus résistants que les peintures standards. Maintenant, avec la garantie satisfait ou remboursé. Lévis, let's color. Summer is coming, summer. Passez votre été avec Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. diplômé, indépendantisé. Je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Hein, non, je veux pas être trentenaire. Je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non j'ai pas une vie droit. Mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Sur Fun Radio, on se réveille ensemble. Yannick, Feel Alone, c'est ce qui arrive dans un instant côté son dance floor. Vous écoutez Summer Fun et on est ensemble jusqu'à 9h, voire plus. On va se faire plaisir. Coralie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as aussi été bercée, tout comme moi, durant ton enfance, par la saga Harry Potter? Oh oui, je suis la plus grande fan du monde, je crois. Mais la plus grande fan du monde. J'ai un tatouage qui représente les reliques de la mort en fait. Ah carrément, donc à ce point là tu es fan d'Harry Potter. Oui, non mais ça a d'autres significations, mais ça vient d'Harry Potter et ça m'avait vraiment, c'est un truc que j'avais adoré. Est-ce qu'il y a un épisode que tu as retenu qui t'a marqué comme ça dans la saga? Mon préféré ça reste le 1 parce que c'est le premier et que je l'ai vu un milliard de fois. Mais sinon Harry Potter et la coupe de feu. D'accord. J'adore. Eh bien ça tombe bien, Harry Potter va nous ensorceler durant tout l'été grâce à l'exposition Harry Potter qui a envahi Bruxelles Expo. C'est l'idée de sortie du jour. Pour en parler avec nous, le responsable communication de l'exposition, Emmanuel Leroubet, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors cette exposition, elle fait le buzz depuis plusieurs mois en Belgique. Elle a ouvert ses portes le 30 juin dernier. Comment on explique cet engouement des Belges pour la saga Harry Potter, Emmanuel? Pour une raison extrêmement simple, cette année c'est l'année Harry Potter, puisqu'en fait on fête les 20 ans de la sortie du premier livre, le 15e anniversaire de la sortie du premier film, et puis surtout cette année il y a eu plein de nouveautés, il y a une pièce de théâtre qui a ouvert ses portes à Londres, on attend un nouveau film au cinéma le 16 novembre, qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, et puis bien sûr... cette grande exposition qui a voyagé dans le monde et qui arrive à Bruxelles depuis le 30 juin. Et pour cet anniversaire, ça se passe à Bruxelles, donc que demander de mieux? Elle contient quoi cette exposition en quelques mots, Emmanuel? C'est la première fois qu'on réunit autant d'objets absolument authentiques et inédits qui ont été vus dans les films. Il y en a très exactement 6000 qui ont été repris dans les différents tournages des films et qui sont donc exposés à Bruxelles Expo. Et donc vous nous confirmez que ce sont les vrais objets du film, ce ne sont pas des répliques? Alors c'est très simple, l'exposition elle est organisée par Warner Bros. Oui. C'est-à-dire le studio qui a produit les films Harry Potter. Et comme on sait que la franchise rassemble un nombre absolument incroyable de fans de par le monde et que c'est sans doute l'un des films comme Star Wars ou d'autres qui a justement une fanbase aussi importante, c'est pour ça qu'ils ont réalisé cette exposition itinérante. Alors combien d'entrées déjà été vendues ici pour l'instant? Écoutez, on a un record qui est absolu et jamais vu en Belgique, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exposition, nous avions déjà 100 000 préventes. C'est 100 000 personnes qui avaient réservé leur ticket. Et puis, forcément, depuis le début des vacances, avec une météo un peu capricieuse parfois, eh bien l'exposition fait le plein. Et on affiche pratiquement tous les jours, c'est-à-dire pratiquement 6 000 personnes qui viennent tous les jours à Bruxelles Expo. Alors, on avait des questions d'auditeurs également, car vous avez pu poser sur notre page Facebook des questions à Emmanuel ce matin. On en a une notamment concernant les réservations, je pense. Oui, Pardon, excuse-moi, Emmanuel. Voilà, en fait, il y a Lucas qui nous demandait, est-ce que c'est facile de se balader dans l'exposition et est-ce qu'il n'y a pas trop de monde, justement ? Alors, c'est extrêmement simple de profiter au mieux de cette exposition dans la mesure où vous n'aurez jamais plus de 600 personnes au même moment dans l'exposition. C'est pour ça qu'en fait, il y a un seul et unique site de réservation qui est expoharrypotter.be et ça vous permet en fait de choisir le jour et la séance de votre choix. C'est-à-dire, vous choisissez l'horaire auquel vous souhaitez venir assister à l'exposition. Et en fait, vous, c'est une véritable immersion, c'est une expérience. Donc, en fait, vous rentrez dans l'exposition par groupe de 60 personnes, puisqu'il y a en fait beaucoup d'interactivité. Ça démarre par une animation surprise. En fait, vous allez pouvoir choisir la maison de votre choix avec le choix chapeau. Et donc, ça permet en fait de rentrer vraiment de façon presque personnelle dans l'exposition et de la visiter de façon extrêmement agréable. Et en plus, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut toucher les objets, les décors, réellement. Bah écoutez, c'est ça qui est assez magique, parce que vous allez généralement au musée avec on peut rien toucher, il faut rester loin de tout. Mais ici, c'est exactement l'inverse. Vous pouvez vous approcher de très près de tous ces objets, vous pouvez les toucher, il y a de l'interactivité, vous pouvez jouer au Quidditch. Il y a vraiment plein de choses à faire et je pense que c'est ce qui donne aussi ce succès à cette grande exposition. Eh bien, c'est notre idée de sortie du jour, l'exposition Harry Potter à découvrir jusqu'au 11 septembre au Palais 2 de Bruxelles Expo. Info et réservation, on le répète, sur expoharrypotter.be. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous ce matin. J'espère Antoine que tu vas surtout venir la voir et que tu pourras donner ton avis personnel à tes auditeurs. Eh bien écoute, avec beaucoup de plaisir, on viendra très prochainement. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. On retrouve toutes les infos sur notre page Facebook. Dans un instant, sur Fun Radio, on continue à passer un bon moment ensemble. Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor, c'est ce qui arrive. J-Lo, y'a tout ça, non maintenant. It's a new generation, Mr. Worldwide, of party people. Get on the floor, darling, get on the floor. Red One, let me introduce you to my party people in the club. The truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah.

Réveillez sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble, c'est Summer Fun avec vous. Fun. Il est 8h33, on fait le tour de l'actu en ce mardi 12 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Les fonctionnaires pourront davantage travailler depuis la maison ou depuis les bureaux satellites à proximité ou encore organiser leur temps de travail, voire même travailler de manière temporaire dans le secteur privé. Les fonctionnaires fédéraux sont en moyenne malades 16,3 jours par an et dans un cas sur quatre, cela est dû au stress, à un excès de fatigue ou à un burn-out. Le ministre Van de Putte souhaite revoir en profondeur la façon dont le gouvernement fédéral œuvre. Il veut faciliter le télétravail et prévoir des bureaux satellites pour chaque service fédéral. De la sorte, les fonctionnaires pourront mieux concilier vie privée et professionnelle et réduire le temps passé sur la route. Le ministre a aussi la pointeuse dans le viseur et souhaite que les employés du service public puissent déterminer eux-mêmes leur schéma de travail. Plus surprenant, il envisage que les fonctionnaires soient temporairement autorisés à travailler dans une autre fonction, même dans le secteur privé. Et ce, pour quelques heures, mois ou années. Le ministre doit encore peaufiner son plan en concertation avec les partenaires sociaux. Un an et demi après la condamnation d'une dizaine de militants de Sharia for Belgium, un nouveau procès terroriste doit se tenir à Anvers. 8 membres de l'organisation islamiste de Way of Life doivent comparaître. La première audience est attendue pour cet été encore. L'organisation radicale de Way of Life avait vu le jour dans la foulée du démantèlement de Sharia for Belgium. Le parquet avait ouvert une enquête pour activité terroriste après avoir récolté des indices établissant que des jeunes anversois étaient incités à prendre part à la lutte armée en Syrie. Les membres ont été appréhendés l'un après l'autre. La plupart avaient l'intention de se rendre en Syrie ou avaient déjà tenté de le faire. L'enquête sur The Way of Life est entre-temps bouclée. La chambre du conseil a renvoyé hier vers le tribunal correctionnel 8 membres suspectés de terrorisme. Ceux-ci risquent des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. La reine Mathilde est à New York dans le cadre d'une visite de travail aux Nations Unies, accompagnée du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. La reine est présidente d'honneur de l'UNICEF pour la défense des droits de l'enfant, une problématique qui lui tient à cœur. Lors de son intervention, elle a fait référence à un rapport de l'UNICEF qui démontre que près de 250 millions d'enfants résident actuellement dans des zones en proie à des conflits armés. Elle a affirmé avoir observé ces 15 dernières années des progrès considérables pour assurer leur protection. La souveraine participera aujourd'hui à un débat sur les droits de l'homme dans le cadre de l'agenda de développement 2030. Fun. Fun Radio. Dans quelques secondes, j'ai pour vous Willy William avec Paris. On parlera également du chiffre du jour. 77% des Belges le font. Je vous donne la réponse d'ici quelques petits instants. Juste avant, Jean-François, côté météo, qu'est-ce que tu as pour nous ? La nébulosité va être abondante aujourd'hui. Le matin, des averses vont toucher principalement l'ouest et le sud-est du pays avant de se généraliser à l'ensemble du pays. Donc si vous ne voyez pas encore la pluie, vous inquiétez pas, elle va arriver. Les températures maximales vont varier entre 17 et 20 degrés. Puis demain, le ciel sera à nouveau changeant. Il faudra attendre la journée de vendredi pour un retour à un temps plus calme et plus ensoleillé. Le prochain rendez-vous d'info, c'est à 9h. Et tout de suite, c'est le son Dance Floor sur Fun Radio avec David Guetta. Fun. Fun Radio. Summer Fun. We're in this together. Here are Merci de vous réveiller sur Fun Radio. 8h39, on démarre la journée ensemble. Willy William Paris, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. C'est le chiffre du jour sur Fun Radio. Juste avant, je vous rappelle le chiffre du jour, 77% des Belges le font. Alors non, ce n'est pas, tu disais, tromper leur conjoint. Oui. Heureusement, d'un côté, 77%, oui. Ça fait quand même un beau paquet. La réponse, donc, c'était lancé en 1960, c'est l'apparition des cartes de fidélité. Donc 7% des Belges utilisent en fait très souvent des cartes de fidélité. Ah bon? À notre génération, un petit peu moins, c'est vrai. Ah, moi, parce j'en ai pas une seule. T'en as pas une seule? Non, j'en ai pas même une seule. Même pour des soins de beauté ou la piscine? J'ai la carte business du Quick, éventuellement, je sais pas si ça compte. Ben oui, c'est une carte de fidélité aussi, par exemple. Mais donc voilà, c'était le chiffre du jour, 77%. On a eu quelques SMS par rapport au sujet de la fidélité. Oui, tout à fait, on nous dit au 3044: je fais partie des mecs fidèles et j'en suis fier. Les filles ne sont pas plus fidèles que les hommes. Ben, c'est vrai. Bon, malheureusement, il n'a pas signé son message, mais voilà, en tout cas, on te fait plein de bisous. Mais c'est un beau message. Sinon, Natacha nous dit: je trompe mon mari et je n'ai aucun regret, je ne ressens plus aucune envie pour lui. C'est un peu trash quand même. Ça, c'est un peu tendu. Vas-y. Et sinon, Laurent sur le Facebook nous dit: j'ai déjà failli tromper ma compagne, mais arrivé au moment de l'acte, ça m'a stoppé net. Ça, c'est vrai. Parfois, on a la pulsion, on a envie d'y aller, puis on arrête. On continue la discussion, en tout cas, sur la page Facebook de l'émission. Vous avez envie d'en parler avec nous? Eh bien, vous envoyez un petit message. On lira tout ça dans quelques instants. On va également appeler l'un ou l'une d'entre vous pour fêter votre anniversaire d'ici quelques instants. Juste avant, c'est Willy William et Paris sur Fun. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals. Nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. Le son dance floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Je 8h44 sur Fun Radio, vous écoutez Summer Fun, votre matinale de l'été qui vous accompagne dans la bonne humeur tous les matins entre 6h et 9h. Deoro, Elvis Crespo, Bailar, c'est ce que je vous cale dans quelques petites secondes sur Fun. C'est le matin pour tout le monde, c'est pardonnable. Coralie, oui. C'est l'heure pour nous de fêter l'anniversaire du jour. C'est une demande plutôt mignonne aujourd'hui, c'est une maman à sa fille, elle s'appelle Caroline, elle est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour à tout le monde. Tu vas bien Caroline? Très bien, très bien, très bien. Alors on va souhaiter un anniversaire à ta fille, elle s'appelle comment? Charive. Alors je te propose, on l'appelle en direct. Dès qu'elle décroche, tu lui cèdes toi et après on lui dit où elle est. Ça va? D'accord. Attention, on appelle en direct. C'est en train de d'accord. sonner. Dans quel coin tu habites Caroline, dis-moi? À Ouest-Velvain, dans Brunet, auprès de Tournai. D'accord, près de Tournai. Elle va arriver. Allô. Bonjour Mimi, je te souhaite un très très très joyeux anniversaire, je t'aime de tout mon cœur. Merci maman. Bon anniversaire à toi Charise. Joyeux anniversaire. En direct sur Fun Radio ce matin, pour souhaiter son anniversaire, quel âge tu as aujourd'hui? 21 ans, ah bah ouais. C'est un bel âge, comme notre ami Sandro d'ailleurs, oui, qui a fêté ses 21 ans hier. Eh bien on te fait plein de gros bisous à toi Caroline et à ta fille. Vous savez ce que vous allez faire aujourd'hui pour fêter ses 21 ans? Pardon? Dis-moi. Moi aujourd'hui je vais. Ah! Le problème de génération. Qu'est-ce que vous allez faire? Vas-y, ma mère. Aujourd'hui je vais à l'expo Harry Potter. Justement. On vient d'en parler justement juste avant cette exposition qui est exceptionnelle. Eh bien écoute, amuse-toi bien parce que franchement c'est un programme inédit et franchement sympa que tu vas pouvoir faire là-bas. On fait des gros bisous les filles, passez une excellente journée. Vous avez envie de fêter votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche demain, vous inscrivez dès maintenant par SMS en envoyant anniversaire ou encore eh bien sur notre page Facebook Coralie. Dans quelques secondes, c'est Deoro et Bailar qui arrivent, à tout de suite. Party all night all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Mico C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. So deep, I close my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay. But I don't need you, and you should know that, baby. It'd take a miracle for you to really try and change me. Then I felt sorry for the look on your face. So I stay. Stay.

You build me up from nothing into something good. Been trying so hard not to let it show. C'est ce qui arrive dans quelques petites secondes sur Fun côté Stone Dance Floor. Merci d'être avec nous. Bientôt 9h, l'heure pour nous. Oui. Et bien de refermer l'émission déjà et puis de s'informer avec Jean-François Servet. Avant, on a encore plein de petites choses à vous dire, notamment au niveau de l'agenda du jour, des activités à faire en Wallonie et à Bruxelles. On commence avec la kermesse de Arlon qui, oui, malheureusement se clôture aujourd'hui. Oui, bah, malheureusement ou heureusement pour, oui, certains, étant, voilà, donné que ses tarifs réduits. Du coup, ah, pour la kermesse, donc ça, c'est super intéressant. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une kermesse, c'est une petite foire avec des attractions pour les enfants et les adolescents. Oui, voilà, c'est sympa. Voilà, c'est... les tirs pour les plus âgés, poneuses, la pêche au canard aussi. La pêche au canard pour les plus jeunes, les petits arbres qui montent. Et je me rappelle aussi, c'est aussi l'endroit où les couples aiment bien aller quand on est à Deluche et de faire un cadeau, exactement, romantique à sa copine. Et donc ça se passera du côté d'Arlon. Oui, une des manœuvres à Arlon, c'est ouvert aujourd'hui de 16h à 23h. Et comme je l'ai dit, c'est tarif. Un site internet où on peut retrouver des infos et des photos. Sur Facebook avec www.facebook.com/kermesse-arlon. On change complètement d'endroit, on part avec un aquarium muséum. Oui, tout à fait. Donc l'aquarium de Liège, c'est en fait avec plus de 200 espèces différentes. Que tu connais très bien parce que tu as déjà été plusieurs fois étant, oui, petite. Exactement, j'y allais souvent quand j'étais petite, j'adorais cet endroit. Donc il y a 20 000 spécimens en tout, ouais, qui vous sont présentés. Donc c'est toutes des espèces animales aquatiques réparties dans une cinquantaine d'aquariums qui viennent du monde entier. Donc et après ça, en fait, je vous propose une croisière sur la Meuse du Nord à bord du Vauban. Donc c'est une sorte de bateau. La visite du musée et puis tu vas faire une visite en bateau. Oui, exactement. Ah, c'est la classe. C'est petit et franchement, c'est un truc à faire au moins une fois. Et c'est accessible pour tous les âges. Oui, c'est vraiment accessible pour tous les âges. Les prix, ça varie entre 15 et 7 euros. Ça dépend de l'âge. D'accord. Et voilà, c'est ouvert aujourd'hui de 9h à 17h et ça se situe quai Edouard Van Beneden, numéro 22. Et il y a aussi un site internet, un Facebook, des infos pour retrouver tout ça. Trait d'union, museum.be. aquarium-museum.be, on va vous publier dès maintenant. Et bien, c'est deux infos du jour sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Coralie, pour tout ça. On peut peut-être rappeler qu'on a un cadeau, je rappelle, exceptionnel à vous offrir à notre auditeur cette semaine. Oui, tout à fait. Media Markt Rénov' et Fun Radio vous offrent toute cette semaine votre Samsung Galaxy View. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une tablette de 18 pouces. Ah oui, donc taille 47 cm de diagonale. Attention, pas de diamètre. Très important. Donc c'est la tablette à un écran Full HD qui permettrait en fait de regarder la télévision. Exact, parce que la tablette sert aussi à ça. Il y a une application qui est intégrée dedans qui permet de regarder des chaînes belges ou françaises à votre choix. Alors franchement, on l'a ici en main, cette tablette. On l'a regardée, on l'a chipotée un peu parce que bon, on aime bien aussi chipoter un peu aux choses. Et donc on l'a essayée. Et elle cartonne. Rien qu'à la voir, t'as déjà envie de te dire waouh. Et puis quand tu l'essayes, tu dis il me la faut. Alors franchement, c'est le cadeau pour passer un excellent été. Comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Galaxy par SMS au 6322. C'est 1€ par message. On va faire le tirage au sort dans quelques minutes. Alors franchement, c'est le cadeau pour passer un excellent été. Comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Galaxy par SMS au 6322. C'est 1€ par message. On va faire le tirage au sort dans quelques minutes. Donc dépêchez-vous de 5 minutes pour vous inscrire. Envoyez Galaxy par SMS au 6322. Fun Radio. Fun. Soldes en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100€. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Il est 9h sur Fun Radio. Où que vous soyez en Belgique, soyez les bienvenus ensemble. Et on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Une majorité d'Européens estiment que l'afflux de réfugiés sur le continent augmente le risque d'attentats. Et une forte proportion s'inquiète des conséquences pour leur emploi. Plus d'un million de réfugiés ont été enregistrés en Europe en 2015, fuyant notamment la guerre en Syrie. Les Allemands, qui ont accueilli le plus important nombre de migrants, sont 61% à partager cette inquiétude. Les Italiens 60% et les Britanniques 52%. Paradoxalement, en France, pays durement frappé par les attentats, attentats en 2015. Une majorité ne partage pas cette opinion, 46% seulement jugeant que le risque est accru. Une fusillade éclatée hier dans un tribunal du Michigan dans le nord des États-Unis, faisant 2 morts, plus le tireur et 1 blessé. Les 2 victimes sont des huissiers de justice. Cette fusillade intervient dans un pays toujours choqué par la mort jeudi dernier de 5 policiers sous les balles d'un tireur embusqué à Dallas, dans le sud des États-Unis, lors d'une manifestation qui dénonçait les brutalités policières envers les Noirs. Dans le Michigan, un adjoint du shérif a également été blessé hier, ainsi que plusieurs civils. L'auteur des faits, un homme qui était transféré vers une prison et qui s'est emparé de l'arme d'un policier pour ensuite commencer à tirer au milieu de la salle du tribunal. Chez nous, le ministre Steven Van de Put a un plan pour combattre le burn-out chez les fonctionnaires. Il souhaite que les fonctionnaires puissent davantage travailler depuis la maison ou depuis des bureaux satellites à proximité, ou encore organiser leur temps de travail, voire même travailler de manière temporaire dans le secteur privé. Les fonctionnaires fédéraux sont en moyenne malades 16,3 jours par an. Et dans 1 cas sur 4, cela est dû au stress, à la fatigue et au burn-out. Le ministre Van de Put souhaite revoir en profondeur la façon dont le gouvernement fédéral œuvre. Il a promis de tout faire pour mettre son plan en action dans les prochains mois. Un an et demi après la condamnation d'une dizaine de militants de Sharia for Belgium, un nouveau procès terrorisme doit se tenir à Anvers. 8 membres de l'organisation islamiste The Way of Life doivent comparaître. La première audience est attendue pour cet été encore. L'organisation radicale The Way of Life avait vu le jour dans la foulée du démantèlement de Sharia for Belgium. La chambre du conseil a renvoyé hier vers le tribunal correctionnel 8 membres suspectés de terrorisme. Ceux-ci risquent des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans. Un dernier mot pour vous dire que la reine Mathilde est à New York dans le cadre d'une visite de travail aux Nations Unies, accompagnée du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. La reine est présidente d'honneur de l'UNICEF pour la défense des droits de l'enfant, une problématique qui lui tient à cœur. Lors de son intervention, elle a fait référence à un rapport de l'UNICEF qui démontre que près de 250 millions d'enfants résident actuellement dans des zones en proie à des conflits armés. Elle a affirmé avoir observé ces 15 dernières années des progrès considérables pour assurer leur protection. La souveraine participera aujourd'hui à un débat sur les droits de l'homme dans le cadre de l'agenda du développement 2030. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Toc. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Il y a Golden Light qui arrive. On appelle l'un ou l'une d'entre vous pour repartir avec votre... Avec le micro allumé, c'est plus facile. C'est bien, c'est Samsung Galaxy View. Effectivement, c'est encore mieux. Quand ça sort de ta bouche, on s'avance du rêve, on a envie de le voir. Vous envoyez maintenant Galaxy pour tenter votre chance. Et côté météo, est-ce qu'on a de la chance, Jeff? Mais tu disais que de la pluie, encore de la pluie pour aujourd'hui, des températures de 17 à 20 degrés. Demain, il y aura encore un peu de pluie, puis il faudra vraiment attendre vendredi pour retrouver un temps un peu plus calme et surtout plus ensoleillé. C'est vraiment trop beau ce week-end, en fait. Où là on a eu la totale, très peu de vent, beaucoup de soleil et des bonnes températures. Disons que c'est la Belgique, hein, 3 jours de bon temps et puis 3 semaines de mauvais temps derrière. Bah oui, c'est la vie. Allez, prochain rendez-vous d'info à midi avec Carlo tout de suite, c'est le Chainsmokers sur Fun Radio. Fun Radio. Les soldes XXL sur des centaines d'articles. Profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Radio. Fun Radio. Crashing. Hit up, hurry up now. I need a miracle. I call your name, but you're not around. I say your name. I need ya. Stranded, reaching. I call your name, but you're not around. I say your name. I need ya. I need ya. I need you now. So don't let me, don't let me, don't let me down. And I hope that you'll be here when I need you the most. Nobody by my side. Don't let me down. I need you right now. Let me down, let me down, let me down. I think I'm losing my mind, it's in my head. Darling, I hope that you'll be me to the moon. La matinée continue en mode dance floor dans quelques instants avec Madden et Golden. La la la la. C'est ce qui arrive ici, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler qu'on vous offre la tablette Galaxy View. Oui, tout à fait, toute cette semaine vous pouvez repartir avec votre Samsung Galaxy View offert par MediaMarkt Rhinov et Fun Radio. Donc je me perds. C'est le matin, c'est pas grave, c'est comme si on était lundi en fait. Donc il suffit d'écouter 7h et 20h et d'envoyer Galaxy par SMS au 6322 pour repartir avec cette tablette révolutionnaire de 18 pouces. On appelle donc 47 cm de diagonale. Tout appelle le gagnant de jour en direct. On va voir si eh bien il s'y attendait ou pas. C'est la surprise. Il faut qu'il décroche, hein, c'est le principe en tout cas. Il faut bien que le standard veuille bien que ça sonne. Voilà, ça sonne en décroché. Si malheureusement ça ne décroche pas, tu ne seras pas gagné. Ouais. Suspense. Ah, ce serait bête quand même. Deuxième. On y va, attention. Allô. Allô, bon Cédric, tu vas bien? Ça va et vous? Mais très bien. Bonjour. Est-ce que tu sais où tu es? Je pense que je dois être sur Fun Radio. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi tu serais ici? Mais parce que j'ai joué à un jeu, j'ai envoyé un message. Eh bien, bonne nouvelle, Cédric, tu repars avec la Samsung Galaxy View, ouais, bravo! Wow, super, super, merci beaucoup, c'est génial. Ça c'est fait génial. Super plaisir, voilà, de voir que tu es de bonne humeur comme ça, bravo. C'est merci. Ta tablette Samsung, tu vas l'utiliser en télé, évidemment, vu que c'est un de ses principaux atouts. Un peu pour tout, pour les jeux aussi, hein. La télé, évidemment. Franchement, on l'a ici avec nous. Fille de 4 ans. C'est une petite fille de 4 ans qui adore regarder les dessins animés, donc de temps en temps, on la laisse regarder les dessins animés, on regarde la tablette dans le fauteuil, et là, ça sera génial, quoi, on pourra regarder un peu plus grand. Eh bien, franchement, on l'a avec nous, cette tablette, elle cartonne, on te l'envoie à la maison. Des bisous, Cédric, bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi, merci à tout le monde. On vous rappelle évidemment que ces tablettes, elles sont encore à gagner toute la journée sur Fun Radio, notamment entre 17h et 20h. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Ah, mais vous pouvez demain, tu l'as dit. Et ce soir, entre 17h et 20h, dans C'est que du fun, Henri PFR sera au platine de l'île, sera à retrouver. Donc, on est sur Fun Radio, notamment entre 17h et 20h. Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Ah, mais vous pouvez demain, tu l'as dit. Et ce soir, entre 17h et 20h, dans C'est que du fun, Henri PFR sera au platine de l'île, sera à retrouver. Donc, aux alentours de. Entre 17h et 20h. David. Voilà, David. Pas David, non. Oli est avec nous. Comment ça? Tu je vois que c'est bien. La bonne humeur cette émission. Oui, mais je vois. Je suis content en plus. On démarre bien la journée là. Et elle est géniale en plus. Regarde, t'as vu comme elle cartonne? Elle coûte près de 600 euros. C'est je crois, ça. Ouais. Oli, toi, tu es avec les auditeurs jusque 13h et tu as du bon son dance floor pour eux. Exactement. Toute la matinée, on est parti en mode dance floor avec les titres que vous pouvez demander aussi. Par SMS, ça se passe sur le 3044. Vous, on vous retrouve demain. Demain, dès 6h et dès maintenant sur la page Facebook Summer Fun. À demain. Voilà. Oli. À demain. Ciao. On y va avec Mary J. Blige, Jean Souvenir, et maintenant Madden sur Fun Radio, le son dance floor. We met a summer night, and I held you tight in the golden light. And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Wake me back to life. Give me one more night, and I hold you tight in the golden light. The golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light. I just wanna.

son dance floor.